on ira rouspéter auprès des fabricants. Voilà, jetez-le. Non, je plaisante. Merci Fanny. Demain, on vous écoutera pour prolonger la vie de nos smartphones. Toutes vos recommandations, bien sûr, on les trouve dans le numérique, ça s'explique, avec francebleu.fr et l'application ici, ICI. Voici Verita Mitsuko avec Catherine Ringer, Fred Chinchin et... Hey Andy! Andy! Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Eh, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. 1996 avec ce titre d'Arita Mitsuko, un duo extravagant, atypique, excentrique, avec ce titre Andy, l'Arita Mitsuko sur France Bleu Berry. On va retrouver nos petits berrichons. Ben oui, ils sont là, comme chaque après-midi, avec Maxime Daniel. On leur posera cette question. Qu'est-ce que la sorcellerie? On en saura un petit peu plus, juste après le tube des Dépêche Mode, Personal Jesus. France Bleu Berry, votre partenaire. Partenaire de la 10e édition du Salon des vins et des saveurs régionales organisé à Villedieu-sur-Indre. C'est ce samedi et dimanche. Venez découvrir un panel exceptionnel d'exposants. Il y aura des vignerons venus de toute la France qui vont représenter plus de 80 AOC, des exposants avec des produits gastronomiques tels que le foie gras, le miel, les fromages, le safran, le thé et même les noix. Sans oublier bien sûr le côté solidaire de la chose avec une collecte de bouchons de Liège au profit de l'association Bouchons de Liège de cœur pour la lutte contre le cancer. Vous allez pouvoir vivre la 10e édition du Salon des vins et des saveurs régionales à Villedieu-sur-Indre, samedi et dimanche. Un événement à vivre avec France Bleu Berry. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur. On peut aussi le transmettre. Vous écoutez France Bleu Berry. Et il est 16h30. France Bleu Berry. Ici, on parle d'ici. La radio de l'Indre et du Cher. Qu'est-ce que la sorcellerie ? On en saura un petit peu plus avec nos petits berrichons qui nous accompagnent d'ici quelques instants sur France Bleu Berry. Les petits berrichons également, mais on vous proposera des sorties, le répondeur de France Bleu Berry. Et on jouera aux alentours de 16h50 au premier France Bleu Berry Challenge. Bel après-midi avec nous. Voici Personal Jesus et ses Dépêche Mode. Le 16-19, Luc Carrascosa. Vous écoutez France Bleu Berry. Reach out of faith. Dave Gunn avec le groupe Depeche Mode en 1990, l'album Violator, c'était Personal Jesus. Dimanche, c'est la fête de la sorcellerie à Bonu. Pour l'occasion, bien oui, c'était Sandrine qui recevait Isabelle Estève pour parler de cette 27e fête de Bonu. Et Maxime Daniel, lui, en a profité également pour en parler avec nos petits berrichons. Quand on donne des sorts à quelqu'un et faire des potions magiques. La sorcellerie, c'est dans les contes de fées, les sorcières et les fées avec leurs baguettes, ils lancent des sorts. On avait lu une histoire quand on était en CE2, et ben il y avait une histoire avec une sorcière qui jetait des sorts aux gens. Pour moi, c'est de la maltraitance. Wingardium Leviosa. Bah, c'est un sort pour de lévitation dans Harry Potter. Ah oui, Harry Potter. Fais attention, Harry Potter, on est là. Il y a les Levioso, c'est pour rapporter les objets vers soi. Pour moi, c'est juste une expression. Pour moi, c'est juste une expression. Je pense qu'ils font juste croire aux gens pour les faire peur et aux enfants. Alomora, la phrase, le truc pour tout à l'heure, c'était Alomora pour ouvrir les portes, c'est ça? Aussi, les sorcières, c'est dans les contes de fées, et du coup, je jette des sorts aussi à des fées. Enfin, moi, j'y crois pas, mais là, je crois que j'en ai deux à côté de moi, c'est tout. À ma droite, c'est tout. Sinon, non. Les sorcières, c'est un peu comme de la magie, donc ça existe un peu. Pour moi, ça pourrait exister, mais il faut qu'on y arrive à le faire, dans le futur, par exemple. Moi, je pense que ça existe, parce que rien n'est impossible. Exactement, rien n'est impossible. Eh bien, les sorcières, oui, ont existé. Est-ce qu'elles existent encore? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que vous aurez la réponse ce week-end du côté de Bonu pour cette 27e fête de la sorcellerie. Demain, après les sorcières, on parlera de soupe. Les soupes que les petits berrichons préfèrent. Direction la Corse en partenariat avec France Bleu, le Corzu Mezzu, c'est en concert le 28 octobre, ça rapproche, hein. C'est dans quelques jours maintenant à Paris La Défense Arena, toute une pléiade d'artistes sur scène avec notamment Jennifer et Voce Ventu, Ti Vecu, Oh la mio bandera. Ti vego la mio bandera, il luviore chi si spanna, ogni stanta rausole, ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana, o la mio bandera, o la mio bandera, ti vego la mio bandera. In ogni fiume chi corre, in usa braccia un mare, in aianna in albore, si per me a stella ardente, guida di un sembulore, o la mio bandera, o la mio bandera, ti vedo la mio bandera, in ogni monte scolpito, non di là. Ogni legge non mi gasta un ferito, si per me a scorza il dita di l'arburo sembra rito, o la mia bandera, o la mia bandera, ti vedo la mia bandera, il vento di un uccello, in la mano che si può dire, in la risa di un zitello, si la mia per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandera, con la mia bandera. Ti vedo la mia bandera, in un vecchio camposanto, in un vaso di amore, in la rima di un mio canto, si per me l'eterna braccia sa. Partenariat avec France Bleu, Kanzu, Mezu Mezu, avec Le Voce, Ventu et Jennifer. Ils seront le 28 octobre à Paris La Défense, Arena. France Bleu Berry, France Bleu Berry. On sort chez vous. Eh oui, on sort et on vous propose des balades, mais également un loto, par exemple, dimanche 22 octobre au gymnase de Cluis. Ouverture des portes aux alentours de 13h15, début des jeux à 14h30. Et attention, il y a de très très beaux lots. Réfrigérateurs combinés, des congélateurs coffres, des ordinateurs portables, des imprimantes, des disques durs externes, des micro-ondes, des grilles, plancha, blender chauffant. J'en passe, c'est des meilleurs, hein, des smartphones. Il y aura également des aspirateurs, etc., etc. Partie gratuite pour les enfants, bingo avec une partie surprise. Les pâtisseries et les buvettes vous attendent sur place. Et c'est organisé par le Réveil Clusien. Si vous avez si vous souhaitez par exemple assister à ces lotos, n'hésitez pas, je vous donne un numéro de téléphone, on vous le laissera à l'accueil. 06 75 43 58 51. 06 75 43 58 51. Et puis les automnales, dimanche 22 octobre à partir de 9h au marché Campagnard, avec au programme du boudin, des produits de bouche, des plantes, des arbustes, de l'artisanat, exposition des gens d'ici, animation pour les enfants, ça se passe du côté des Bordes. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur leur site Les Bordes, dans le département de l'Indre.fr. Pascal Pauvron, maire de Saint-Lizaigne, pour annoncer notre quatrième salon rencontre des cépages rares, donc à la Maison du Temps Libre de Saint-Lizaigne, c'est le samedi 21 octobre à partir de 9h. Ça commence avec une conférence de Bertrand Dauny, La belle histoire des cépages, puis une dégustation de 5 vins animée par Benoît Roumet, après un buffet préparé par les organisateurs à midi, et tout l'après-midi, donc il y a évidemment un salon des vins rares et des vins du Berry, mais aussi un salon des saveurs d'automne, avec des déclinaisons de la sucrine du Berry, des galettes aux pommes de terre, des châtaignes grillées, des crêpes, etc., etc., des champs vignerons, avec la chorale Traderac. Et puis, nous aurons à 19h30 un dîner de gala préparé par l'auberge de la Cognette. Merci beaucoup. Toutes vos animations en direct sur France Bleu Berry avec le répondeur au 02 54 60 60 96. Et c'est parti, on joue ensemble au France Bleu Berry Challenge. On vous offre cette fois-ci la belle paire de pantoufles du Berry aux couleurs de France Bleu Berry, bien sûr aux couleurs de votre station. Il y aura également, parce qu'on a rajouté aussi des cadeaux, hein, n'oubliez pas, on a des invitations pour le concert d'Anne Kefelec au piano dans le cadre des 22e Listomania. C'est le vendredi 20 octobre à 20h30. Un récital Liszt, Bach, Beethoven, Debussy ou encore Ravel. Voilà de jolis cadeaux à vous offrir, à condition de nous donner soit le titre, soit l'interprète de cet extrait. Une petite idée, bon bah écoutez, si vous l'avez déjà dans la tête, n'hésitez surtout pas, 02 54 27 36 36, c'est pour vous les super cadeaux. La paire de pantoufles du Berry aux couleurs de votre radio, deux invitations pour le concert d'Anne Kefelec dans le cadre de Listomania, c'est vendredi 20 octobre à partir de 20h30. Bonne chance! Jouez maintenant au France Bleu Berry Challenge. 02 54 27 36 36. Bonne chance. Au petit matin, vous les abandonnez négligemment au fond du placard, sans remords. Vous leur tournez le dos et pourtant, elles n'ont Dieu que pour votre bien-être, avec pour seul plaisir prendre soin de vos petits petons. Le soir venu, vous les retrouvez au même endroit et là, leur regard s'illumine. Enfin, elles vont pouvoir cajoler vos pieds, vous réchauffer, remplir leur mission au cœur de l'automne berrichon. Elles voient le jour du côté de Vatan et parcourent chaque jour des milliers de kilomètres pour mieux vous servir. Cette semaine et à tout moment, nous vous offrons l'indispensable pantoufle du Berry aux couleurs de France Bleu, pour que vos pieds vous disent merci. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans votre concession Euphorie Renault, Châteauroux. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Le 16-19 sur France Bleu Berry. Et avant d'accueillir notre gagnante ou gagnant hein, concernant le France Blueberry Challenge, on replonge dans les années 80 avec ce tube de Tall Talk, Such a Shame sur France Blueberry. Bel après-midi. Déjà 20 ans, hein, 20 ans qu'est sorti ce tube de Tall Talk, Such a Shame en 1984 sur France Bleu Berry. Une paire de pantoufles pour l'hiver, c'est bien. Une jolie paire de pantoufles aux couleurs de votre radio, aux couleurs de France Bleu Berry. Deux invitations pour le concert d'Anne Kefelec au piano hein, ce vendredi 20 octobre à 20h30 sur la scène nationale Equinox pour les 22e Listomania sur un récital de Liszt, de Bach, de Beethoven ou encore de Debussy ou de Ravel. Bonjour Sabrina. Sabrina. Bonjour. Coucou Sabrina. Bonjour. Sabrina qui adore la musique, qui nous appelle de Châteauroux. Tout à fait, j'adore le piano. Ah, vous adorez le piano en plus. Bah écoutez, alors déjà, vous allez être présente peut-être au 22e Listomania qui vont se passer à Châteauroux du 20 au 25. Oui, tout à fait, ouais, j'adore. Très, très, très bien. D'accord, très bien. Alors écoutez, Sabrina, est-ce que vous avez une petite idée sur soit le titre, soit l'interprète? Alors l'interprète, c'est Calogero, le titre, c'est Face à la mer avec Passy, je crois. Face à la mer. Bravo. Bravo Sabrina, Face à la mer, Calogero et Passy. On s'en souvient hein, de ce tube avec le rappeur Passy, ce qui me permet de vous dire que vous avez gagné votre paire de pantoufles. Merci beaucoup. Aux couleurs de France Bleu-Berry, c'est-à-dire des belles pantoufles bleues, voilà. Et vous aurez également des invitations pour vous et la personne de votre choix pour assister au concert d'Anne Kefelec au piano ce vendredi 20 octobre à 20h30 dans le cadre justement des 22e Listomania à Equinox, scène nationale à Châteauroux. Merci Sabrina. Eh ben, merci beaucoup à vous et puis à toute l'équipe et je vous remercie. Et une très belle après-midi à vous et profitez bien, bien sûr. À très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. La nouveauté sur France Bleu Berry, c'est Maneskin. The saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote, in case of death, that's what I want, that's what. Tonight is gonna be the loneliest. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the les grands gagnants de l'Eurovision pour l'Italie, Maneskin avec The Loneliest sur France Bleu Berry. Et tous les jours, on se balade dans notre campagne berrichonne avec Philippe Véron qui nous emmène à la découverte de la grande ou de la petite histoire du Berry. Ce soir, vous nous réservez quel endroit justement, Philippe ? Nous allons faire un voyage dans le passé et Bourges se prête très bien à ce genre d'exercice avec, vous le savez, de nombreux bâtiments historiques riches de grands ou petits événements. Zoom maintenant donc sur une petite tour discrète, témoignage du passé médiéval de la ville de Bourges. Catherine Dubruy revisite pour nous cet épisode berrichon prestigieux. Il y a fort fort longtemps, lorsque Bourges est devenue capitale de l'Aquitaine première, il a fallu réorganiser la ville et donc, au milieu du IVe siècle, on l'a entourée d'un rempart défensif s'ouvrant sur quatre portes monumentales. Comme il ne s'agissait pas de se défendre contre une invasion en cours, on a pris le temps de le construire ce rempart. Et l'épaisseur des murs de courtine était de 6 à 8 mètres à la base. Certains blocs de fondation étaient des remplois de monuments datant du 1er siècle. Le palais Jacques-Cœur, la cathédrale, le palais ducal sont autant d'exemples de bâtiments construits beaucoup plus tard à qui ils servaient d'assises. Le rempart, long de 2,5 km, comportait une cinquantaine de tours. Et parmi elles, la tour dite Tour à poudre. Au XIIe siècle, sous Louis VII et Philippe Auguste, la ville s'étend et les remparts également à l'époque de sa construction. Elle devait comporter un étage couvert et sa base était très certainement en forme de polygone. Notre regard se pose sur cette fameuse tour à poudre. Lorsque les remparts furent réparés, à la fin du XVe siècle, la tour à poudre servit de tour d'angle. Plusieurs fois restaurée au cours des siècles, elle changea souvent d'emploi. Les cordiers du rempart d'Oron l'utilisèrent, puis... Plus tard, sous le duc Jean, elle servit de dépôt pour les poudres fabriquées à partir de pâte à papier provenant du moulin de Messire Jacques. Elle garda cette fonction jusqu'après la Révolution française. La promenade publique, le long du rempart gallo-romain, a été créée dans les années 80 et la tour à poudre est l'un des rares vestiges de l'enceinte médiévale encore visible aujourd'hui. Ses façades et les toitures, ainsi que l'escalier intérieur, ont été classés éléments protégés. Cette tour reste aujourd'hui donc un témoignage important du passé historique de Bourges. Discrète, on peut la voir au 50 boulevard Lamarck. La tour à poudre à Bourges avec Philippe Véron qui nous fait découvrir, c'est vrai, l'histoire du Berry à retrouver sur francebleu.fr. Tom Jones, juste avant 17h, avant d'accueillir le journal de la rédaction, voici It's Not Unusual sur France Bleu Berry. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Sorti de la croisière s'amuse, Tom Jones avec Is Not Unusual sur France Bleu Berry. Notre invité de 17h, c'est aujourd'hui Dominique Sabar, président de l'Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. Il nous présentera également la scène ouverte du Châtillon sur Indre. C'est vendredi soir à l'espace Tivoli après le journal de 17h. On vous sort le grand jeu. Le grand jeu sur France Bleu Berry. France Bleu Berry vous offre cette semaine un séjour dans un lieu totalement insolite. Au cœur de la Vienne, le village flottant de Pressac. Un site aquatique, naturel et préservé, résolument original. Que diriez-vous de passer deux jours et une nuit dans une cabane flottante, en famille, amarrée au milieu d'un étang? Un séjour hors norme pour deux adultes et deux enfants, avec, s'il vous plaît, repas et petit déjeuner livrés à la cabane. Jouez avec nous entre 11h et midi et gagnez cette semaine votre séjour au village flottant de Pressac. On vous sort le grand jeu. Le grand jeu sur France Bleu Berry. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Comme tous les jours, vous prenez la route. Comme tous les jours, vous prenez des risques. Dépassement dangereux, alcool au volant, vitesse excessive. Trop de personnes meurent sur les routes du Cher. Serez-vous le prochain mort? Non? Alors, réagissez. Sur la route, vos infractions ont de grandes conséquences. Respectez les règles du code de la route, c'est agir pour une route plus sûre. Sécurité routière, vivre ensemble. Ceci est un message du préfet du Cher. France Bleu, 100% Berry. Connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Bel après-midi à l'écoute de France Bleu Berry, 17h. Le journal est présenté par Féline Leloir-Duo. Bonsoir Féline. Bonsoir Luc. Et d'abord un petit point sur la météo un peu pluvieuse dans le Berry. Ouais, elle n'est pas folichonne hein, cette météo. C'est vrai qu'on a de la pluie. Bon, ça fait du bien et heureusement. Le ciel va rester couvert encore pour cette nuit avec encore peut-être quelques averses prévues en cours de nuit. Des températures de l'ordre de 13 à 15 degrés. 24 Français morts, 7 portés disparus. Et plusieurs seraient retenus en otage dans la bande de Gaza. C'est le dernier bilan donné par la première ministre Elisabeth Borne devant le Sénat cet après-midi. La France demande la libération de tous les otages, sans délai, sans condition. Plusieurs dizaines de nos concitoyens sont par ailleurs bloqués à Gaza dans une situation extrêmement précaire. Nous les suivons individuellement et faisons notre maximum pour leur permettre de quitter Gaza. Nous appelons à un accès humanitaire immédiat à Gaza afin que l'aide des Nations Unies puisse être acheminée et parvienne aux populations palestiniennes. C'est une urgence, des milliers de vies en dépendent. Enfin, sur le plan diplomatique, nous multiplions les contacts pour éviter l'escalade et un embrasement régional. Par ailleurs, la première ministre a indiqué que 3500 ressortissants français ont été évacués d'Israël depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Israël qui vient d'autoriser l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Le bilan provisoire du conflit entre Israël et le Hamas s'élève à 1400 morts côté israélien et plus de 3000 côté palestinien. Hier, une explosion a touché un hôpital de Gaza et a fait au moins 471 morts. Une dizaine d'aéroports en France ont été évacués aujourd'hui après plusieurs alertes à la bombe. D'importantes perturbations dans les vols sont à prévoir, notamment pour les aéroports de Bordeaux et Toulouse, qui restent fermés pour le moment. Le château de Versailles a une nouvelle fois été évacué ce midi après une troisième alerte à la bombe. Le monument a ensuite rouvert ses portes dans l'après-midi, car depuis cinq jours, les menaces d'attentats se multiplient. Après l'attaque au couteau à Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard, professeur de français, lundi des temps d'hommage avait été organisé partout en France. Le ministère de l'Éducation nationale recense 357 perturbations ou contestations lors de ces temps d'hommage. Tous ces signalements feront l'objet d'une saisine au procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés, annonce le ministère. C'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Total Energy maintiendra le plafonnement du carburant à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024 dans toutes ses stations. Une mesure que l'entreprise menaçait d'arrêter en cas de prolongation l'abaissement d'une taxe sur les raffineries. Par contre, si vous êtes usager des trains ou des cars Rémy, les tarifs vont augmenter plus de 6% sur les billets et abonnements à partir du 1er janvier 2024. Une augmentation liée à l'inflation. Tous les détails sont à retrouver sur francebleu.fr. Le cycliste berrichon Marc Sarraud va retrouver l'équipe de ses débuts. Il portera les couleurs de l'équipe Groupama FDJ en 2024. Un dénouement positif après une longue attente pour le coureur pro licencié au CC Vierzon. Et si vous vous autorisez à lâcher prise? Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, un atelier d'expression corporelle se tient demain matin de 9h30 à 12h30 dans les locaux de l'association Le Relais à Bourges. Le but, développer un rapport bienveillant à son corps et travailler sa confiance en soi. Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville de Bourges. Et avec la pluie et le ciel gris, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se réfugier au cinéma. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui que sort le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Une année difficile avec un joli casting. Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Noémie Merlan. Et certaines scènes ont été tournées dans le Berry sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux. Et on parle de musique également avec l'idée Stomania Humanitaire qui reviennent pour une nouvelle édition à Châteauroux. Le but, tisser du lien social à travers la musique avec ceux qui sont éloignés des salles de concert, comme par exemple les personnes isolées, en détention, en situation de précarité ou en situation de handicap. Un événement à retrouver demain après-midi à 14h à la Cité du Numérique de Châteauroux dans l'amphithéâtre Alfred d'Auvergne. Les informations pratiques sont sur le site d'Elistomania. Et donc Luc, on parlait de la pluie et du ciel gris justement dans le Berry. C'est ça, avec un parapluie aussi pour tout au long de cet après-midi. Hein, on fait des verres cet après-midi. À noter cependant que sur le bois chaud nord sud, hein, le bois chaud sud, pardon, pas le bois chaud nord, mais le bois chaud sud, l'après-midi va débuter sous un ciel couvert, un petit peu comme partout dans le Berry, avec des pluies plus ou moins marquées, un vent de sud-ouest présent également assez fort vers le nord du département qui devrait s'atténuer ensuite vers la fin de la journée et des températures maxi entre 19 et 21 degrés. 19 à Châteauroux, à Issoudun, à Bourges, à Vierzon, à Saint-Amand-Montrond, 20 à Argenton-sur-Creuse, au Blanc, à la Chartre. Et pour ce soir, on aura des températures de l'ordre de 13 à 15 degrés. On se retrouve à 18h. À 18h, Luc. La météo 100% locale avec les meubles Galerie Berrichonne. Un choix considérable de mobilier, literie, canapé, dressing. Meublesgalerieberrichonne.fr à Saint-Sever. Quand vous écoutez France Bleu Berry, avec Manu, vous dansez, vous chantez avec vos artistes favoris. Tu résumerais comment, toi, cette carrière qui file? Nous vous donnons toutes les infos culturelles de l'Indre et du Cher. Après, c'est à vous de faire votre choix. On est deux sur scène et forcément, oui, il faut qu'on occupe l'espace. France Bleu, 100% Berry. France Bleu Berry, l'invité de 17h, Luc Carrascosa. La culture, la danse, le théâtre, la musique, les concerts, tout ce qui se passe dans votre région, dans l'invité de 17h aujourd'hui avec Dominique Sabar, président de l'Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry, qui nous présente la nouvelle scène de Châtillon-sur-Indre avec une soirée karaoké qui est prévue vendredi 20 à l'espace Tivoli au programme musique, comme je disais, danse, chant, poésie et théâtre. Dominique Sabar, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien voilà, il est bien avec nous. Dominique, alors donc vous êtes tout d'abord le président de l'Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. Et vous allez nous parler de cette scène ouverte qui va se dérouler ce vendredi 20 octobre à l'espace Tivoli à 20h30. C'est quoi cette scène ouverte? Elle est ouverte à qui justement? Oui, alors, le temps d'une soirée, venez profiter de belles découvertes artistiques ou devenez vous-même un ou une chanteuse. Mm-hmm. La scène est ouverte à tous. Alors, pour peaufiner un spectacle, faire ses premiers pas devant un public ou partager simplement sa passion. Alors, avis aux spectateurs professionnels, artistes locaux. Ouais. Vous venez passer un bon moment dans une ambiance joyeuse et conviviale. Alors, le but, justement, c'est de mettre sur scène des gens qu'on ne connaît pas. C'est des gens qui vous ont contacté. Comment ça va se passer, justement, cette soirée, Dominique Sabar? Oui, alors il y a les gens qui me contactent, auquel cas donc on leur donne le renseignement et le rendez-vous, mais il y a aussi on va dire l'artiste lambda qui va se présenter et puis au dernier moment qui va faire une prestation. D'accord, c'est l'artiste qui viendra taper à votre porte et qui dira ben voilà, moi j'ai un petit morceau à vous proposer que ça soit musical ou chanté voilà et donc vous l'acceptez sur votre scène. Voilà. Alors, on accepte, mais en principe, on tolère trois prestations. parce qu'on a essayé déjà plus, mais après, c'est le... Bon, la scène est monopolisée, donc en faisant trois prestations chacun, on peut faire profiter le spectacle pour tous. Combien de personnes déjà vous ont contacté, Dominique ? Alors là, pour la prochaine, là, je pense qu'on aura une dizaine d'intervenants. D'accord, très bien. On peut encore s'inscrire ? Ah oui, oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein. J'en ai encore eu deux aujourd'hui, dont un groupe, mais ils ne seront pas là pour le 20 octobre, ils seront là pour le 17 novembre. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est tous les trois vendredis du mois que vous organisez ces scènes ouvertes du côté de Châtillon sur un mois. Oui, alors c'est tous les troisièmes vendredis troisième, chaque mois, ouais, ouais. À 20h30, sauf en juin et juillet et août. En juin, à cause de la fête de la musique, que nous faisons à part. Et puis, juillet, août, c'est réservé aux animations estivales. Est-ce qu'il y a des futurs artistes qui sont sortis de ces scènes ouvertes, justement, chez vous, à l'espace Tivoli, à Châtillon-sur-Indre ? Il y en a quelques-uns, des locaux, effectivement... Moi, je fais ça depuis 2016. Ouais. Bon, mais lorsqu'ils deviennent un peu plus célèbres, vous les voyez plus. Eh bien, bon, on les voit moins souvent, quoi. Oui, c'est normal. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une porte ouverte aussi sur l'aventure musicale. Voilà, tout à fait. Mais il n'y a pas que la musique. Hein. Bon, la musique, c'est, on va dire, le premier. Mais on peut dire des poèmes, on peut raconter des histoires. D'accord. Ok, ouais, puisque la scène est ouverte aussi à la danse, hein, si je me souviens bien, la danse également. Le théâtre aussi, vous ouvrez la scène au théâtre ? Le théâtre, on a jamais fait, mais par contre, la danse, on a fait les danses médiévales ou d'autres danses, hein, mais pour l'instant, personne ne s'est présenté. D'accord, mais écoutez, en tout cas, si jamais il y a un groupe ou si vous avez envie de vous représenter sur cette scène ouverte qui aura lieu le 20 octobre à l'espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre, vous allez directement, on vous contacte directement hein, auprès de l'Office de Tourisme, je suppose, Dominique. Auprès de l'Office de Tourisme, oui. Ouais, auprès de l'Office de Tourisme, et puis si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ou ça se passera. Je vous donne mon numéro aussi parce que on le donnera plus tard. On le donnera plus tard. On va revenir aussi avec vous hein, sur tout ce qui est animation, tout ce qui se passe autour du Châtillonnais en Berry. On en parle avec vous hein, d'ici quelques instants, Dominique Sabar, puisque vous êtes notre invité de 17h après Saint-Claude et Christine and the Queens. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Un seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say just one word, I'll stay with you. Kiss my station. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils, fils, liés à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station. Is my station. Station. Christine and the Queens avec Saint-Claude sur France Bleu Berry, avant de retrouver Dominique Sabar, hein, président justement de l'office de tourisme du Châtillonnais en Berry et de la scène ouverte, hein, il nous en parle de cette scène ouverte. On va parler d'autre chose. Bah oui, Je vais t'aimer, c'est la comédie musicale phénomène avec les plus grandes chansons de Michel Sardou qui est de retour du 25 janvier au 11 février 2024 au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Et bien cette semaine, France Bleu vous offre vos places pour la représentation du samedi 27 janvier à 20h. Mais on ne s'arrête pas là. On vous offre le transport aller-retour, la nuit d'hôtel, sont compris pour vous et la personne de votre choix. Et ce ne sera pas un gagnant, ni deux, ni trois, mais cinq chanceux qui se verront offrir ce cadeau. Tentez votre chance en participant à, bien sûr, à tous nos jeux sur France Bleu Berry. Jusqu'à dimanche, le tirage au sort aura lieu lundi 23, la semaine prochaine, à 13h50 dans On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission avec Willy Rovelli. France Bleu Berry, on en parle. 02 54 27 36 36. Donnez votre avis, votre opinion sur les grands thèmes de l'actualité. On en parle. Sport, actu sociétal, culture, aucun sujet ne vous échappe. Votre avis, votre opinion nous intéresse. Exprimez-vous demain à 7h50. France Bleu Berry, on en parle. Vous avez la parole. Prenez-la. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Envie de découvrir et déguster le fruit de la vigne ? La France viticole et ses saveurs régionales tiennent salon. Venez rencontrer nos vignerons qui partageront leur savoir-faire. Éveillez vos papilles avec nos produits du terroir et tentez de gagner de nombreux lots. Les 21 et 22 octobre, de 10h à 19h, au gymnase Théosport de Villedieu-sur-Indre, route de Meun. France Bleu Berry, l'invité de 17h. Luc Carrascosa. Et notre invité de 17h aujourd'hui, Dominique Sabar, président de l'office de tourisme du Châtillonnais en Berry. Il nous présente cette scène ouverte de Châtillon-sur-Indre, c'est le vendredi 20 octobre. Et on parle également de tout ce qui va se passer autour, l'animation qui va se passer justement autour de Châtillon en Berry. Alors, justement, président, là vous êtes le président de l'office de tourisme, qu'est-ce qui va se passer là dans les mois à venir ? Alors, dans les mois à venir, on continue, c'est-à-dire les expositions, les scènes ouvertes, et puis on va faire le concert pour la fête de la musique. Oui. Ensuite, il y a des animations pour le château, des visites guidées, on continue aussi, et ce que l'on a fait cette année, beaucoup de sorties nature. Par exemple, on a fait. Là, vous parlez pour maintenant ou vous parlez pour. Je parle de l'année dernière et. D'accord. Donc en 2024, on renouvelle. On reparlera tout à l'heure de 2024, si vous voulez. On en parlera tout à l'heure de 2024, si vous voulez bien, président. Là, juste là maintenant, là à partir là de octobre, novembre, décembre, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver du côté de Châtillonnais en Berry avec votre office de tourisme justement. Oui. Alors normalement, on devait faire un salon du champignon. Ouais. Mais pour l'instant, c'est le statu quo parce qu'on ne sait pas trop comment vont pousser les champignons et comment on va faire la fête parce que ça ne pousse pas comme ça. Pas assez d'eau, hein, je suppose. Bah, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. On n'a pas encore déterminé si on faisait ou pas la manifestation. D'accord, très bien. Ok. Et pour les mois à venir ? Alors les mois à venir, vous savez, on va dire octobre, novembre, décembre, c'est relativement très calme. On a un petit peu aux alentours de Noël, bien sûr, mais autrement, on n'a pas de manifestation prévue Sauf les scènes ouvertes que je vous parlais tout à l'heure, qui elles sont tous les mois. D'accord, les scènes ouvertes, comme on disait, à l'espace Tivoli, tous les mois, tous les vendredis, hein, les troisièmes vendredis du mois, pour tous ceux qui sont intéressés au niveau musical, au niveau danse, au niveau chant, poésie, ou voire même théâtre. Donc n'hésitez pas à les contacter. On reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, on parlera justement de tout ce qui va se passer en 2024, parce qu'apparemment, vous avez un calendrier un peu plus chargé sur 2024, Président. Oui, d'abord, il y a l'organisation du tourisme. Ne dites pas tout, on va en parler. On va en parler tout à l'heure d'ici un petit instant, bien sûr. Là, bien sûr, pour les fêtes de fin d'année, je suppose que vous avez déjà quelques surprises tout de même. Avec le comité des fêtes, il va y avoir des manifestations, mais normalement, on n'en divulgue pas plus, parce que si vous voulez... Surprise. On n'est pas fin prêt, donc je ne peux pas vous donner de date bien précise. D'accord, ok, écoutez... Je suis désolé, mais je ne suis pas le seul à organiser, donc oui, je suppose. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, de toute façon, ce qui se passe du côté de Châtillon-sur-Inde, il y a toujours plein de choses à découvrir, et justement, on parlera de la saison 2024 qui sera peut-être un peu plus chargée avec d'autres événements qui vous attendent. On en parle d'ici quelques instants. Juste après Stéphane et Petit K, Mieux comme ça sur France Bleu Berry. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans dragues. Où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire, et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas, je te dis. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais rien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Stéphane qui a une petite intonation AD justement, et donc Stéphane suissesse, et Petit K lui vosgien, se sont retrouvés sur ce duo Mieux comme ça sur France Bleu Berry. Notre invité, dernière partie de notre invité de 17h aujourd'hui, Dominique Sabar, président de l'Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. On parle de nouvelles scènes, on parle de scènes ouvertes, et puis donc on parle également de tout ce qui va se passer l'année prochaine, parce qu'il va y avoir encore plein de choses à vous raconter du côté de Châtillon-sur-Indre, n'est-ce pas, président? Oui, alors justement, la chose la plus importante, c'est que, en principe, à partir du 1er janvier, les quatre offices de tourisme du pays de Valençay, donc le pays de Bazel, Levroux, Valençay et Châtillon-sur-Aisne, seront pilotés par le pays et seront donc développeront le tourisme à l'intérieur du pays. Alors, ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que, pour l'instant, le Châtillonnais avec 10 communes. Oui. Et après, on aura toujours, bien sûr, les 10 communes, mais on sera en relation constante avec les 3 autres offices de tourisme du pays de Valençay. Et nous ferons vraisemblablement des opérations ensemble. D'accord, ok. Donc là, vous allez tous vous regrouper pour avoir plus d'animation, justement, dans le pays, hein, c'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce qui est voulu par le pays. Très bien. Alors, on peut savoir un peu, vous avez déjà peut-être des choses à nous dire pour 2024 ou pas, Président ? Alors, pour 2024, il faut savoir que dans la nouvelle organisation, chaque office de tourisme continuera à faire ce qu'il fait, plus éventuellement des opérations communes. Donc nous, on continuera à faire ce que l'on avait bien l'habitude de faire, c'est-à-dire des sorties nature, des sorties patrimoine, et puis des sorties producteurs locaux. Et ça, c'est bien vu aussi bien par les gens du local que par les touristes. D'accord, ouais, on est en circuit court là, hein, directement. Voilà, c'est ça. Alors, pour vous donner une petite idée, l'année dernière, comme c'est pour vous donner une idée, on a visité donc une savonnerie, à Arfeuil, ensuite Mécaprécy, c'est une usine, des ateliers de fabrication à Châtillon-sur-Inde, et puis l'atelier Brinclay, c'est un artiste qui fait des bijoux. D'accord. Voilà, c'est pour vous donner une idée. D'accord. Donc ça, on va le retrouver donc cette année, mais peut-être un peu plus développé avec justement les autres communes qui vont s'associer à la vôtre. Voilà, c'est ça. Et en plus, la thématique insolite, cette année, on avait choisi l'astronomie, qu'on avait fait à Saint-Médard, puisque Saint-Médard, c'est la plus petite commune de la communauté. Et pour, comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc on avait choisi cette commune pour faire notre animation. D'accord, très bien. Donc, en tout cas, il y a encore pas mal de choses à découvrir du côté de Châtillon-sur-Indre. Et puis, je vous rappelle aussi, c'est important, si vous êtes intéressé, cette scène ouverte, c'est tous les troisièmes vendredis du mois. Donc, à Châtillon-sur-Indre, scène ouverte et également soirée karaoké à l'espace Tivoli à 20h30. On vous donne rendez-vous ce 20 octobre avec de la musique, de la danse, des chants, si vous aimez également raconter des histoire, donc de la poésie. Et si vous souhaitez également peut-être proposer une pièce de théâtre, ben n'hésitez pas. Il faut contacter directement l'office de tourisme du Châtillonnais en Berry. Et contacter bien sûr les représentants, entre autres Dominique Savard, qui est le président de l'office de tourisme. Bon, bah écoutez, en tout cas, on espère une chose, c'est qu'il y ait beaucoup de monde vendredi soir du côté de cette scène ouverte. Oui, en principe. En principe, c'est entre 40 et 80 personnes. C'est variable parce que c'est suivant s'il n'y a pas d'autres manifestations. Ces jours-là, bien sûr, on ne choisit pas. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et si, justement, vous êtes intéressé pour proposer soit de la musique, soit de la danse, soit du chant, de la poésie ou des pièces de théâtre, n'hésitez pas à les contacter directement. Il reste encore de la place. Merci beaucoup, Dominique Savoir, d'être venu et de nous avoir parlé de cette scène ouverte et surtout de tout ce qui va se passer l'année prochaine aussi du côté de Châtillon-sur-Indre. Merci beaucoup, Dominique. Merci. L'émission est à retrouver, vous le savez, sur francebleu.fr. Et puis on va retrouver également notre amie, elle est là toujours, tous les après-midi, Émilie Mazoyer, avec sa chronique Décibel. On jouera ensemble également une fois de plus aux alentours de 17h50 sur France Bleu Berry. France Bleu Berry, partenaire de...

cuisine fait chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Je l'avais dit, hein, notre petite fée à nous, c'est Zaz, le nouveau sur France Bleu Berry. On parle de culture tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Mais le mercredi est réservé au cinéma. Et comme chaque mercredi, on parle de cinéma sur France Bleu Berry. Au cinéma Lumière, le ciné Lumière de Vierzon avec Nicolas qui est avec nous. Aujourd'hui, c'est mercredi, les sorties en salle. Cette semaine, on a un film qu'on avait passé en avant-première pour le Festival du film de demain à Vierzon. C'est Une année difficile de Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jonathan Cohen et qui avait eu un très bon retour à l'époque. Et en plus, c'est un film France Bleu. Alors, cette semaine, j'ai le dernier film aussi de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. Voilà, un film de Scorsese qui ressort au cinéma parce qu'il avait tendance à sortir des films sur les plateformes dernièrement. Là, ça peut être une bonne idée. Et qui c'est cette terre, Henri ? C'est ma terre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au bercail. On a bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs, les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. T'aimes les femmes. C'est mon grand péché. Les Trolls 3 qui sort pour les enfants. Vu que ça va être les vacances, ça fait une bonne sortie familiale, quoi. Et toujours à l'affiche ? Toujours à l'affiche. Mais écoutez, pour les enfants, j'ai toujours La Patte Patrouille. Ça fonctionne bien. Et en film d'action, j'ai The Expendables 4. Le Consentement aussi. Un film assez dur, mais... Avec Jean-Paul Rouve ? Qui fonctionne bien. Règne Animal. Un film français assez étonnant, mais qui, je pense, est à voir. C'est une mutation ? C'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer ? Faut me faire confiance, on va la retrouver. T'as peur des créatures ? Faut apprendre à vivre ensemble. Si on t'attrape, c'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça ? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nicolas, bon film, bonne toile, à la semaine prochaine. Merci. On va jouer ensemble, comme vous le savez, c'est France Bleu Berry qui vous offre le France Bleu Berry Challenge, comme chaque après-midi. On vous propose soit un titre, soit l'interprète, c'est vous qui choisissez. On vous offre des invitations pour le match de basket, mais il y aura également des invitations pour aller découvrir les Listomania qui démarrent là, vendredi, et ce jusqu'au 25 pour le concert d'Anne Kefelec au piano, ce vendredi à Equinox sur la scène nationale au programme du récital de Litz, de Bach, de Beethoven, Debussy ou encore Ravel. À vous de trouver soit le titre, soit l'interprète. ça va faire plaisir à notre technicienne Léa. Je crois que c'est un groupe de Strasbourg en plus. Voilà. Si vous avez la petite idée derrière la tête, bah écoutez, vous pouvez la donner cette idée à Christine qui vous accueille au 02 54 27 36 36. Bonne chance. Jouez maintenant au France Bleu Berry Challenge. 02 54 27 36 36. Bonne chance. Nos petits berrichons nous surprennent chaque jour par leur franchise, leur spontanéité, leur fraîcheur. Un président de la République, ça sert à établir des règles. Ils comprennent et analysent l'actualité avec lucidité. À Châteauroux, il y aura le tir. Ils nous surprennent. Ils nous surprennent. Nos émerveilles nous montrent le bon chemin. Ils ont leur code, leur mot. Les petits berrichons, 6h27, 11h53, 16h20 et sur l'application ICI par France Bleu et France 3. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans votre concession Euphorie Renault, Châteauroux. Pensez à covoiturer. France Bleu Berry. Check this out. 100% connecté. Et on joue ensemble au France Bleu Berry Challenge sur France Bleu Berry. On vous donne la possibilité de repartir hein, avec des invitations. Alors cette fois-ci, on est très sport. Eh oui, on vous invite au match de basket au Prado dimanche 22 octobre à 16h. Les Tangos de Bourges recevront Saint-Amand-les-Eaux. On rajoute également des invitations pour le concert d'Anne Kefelec au piano ce vendredi 20 octobre sur la scène Equinox, scène nationale dans le cadre des 22e Listomania et également au programme du récital de Liszt, de Bach, de Beethoven, de Debussy ou encore de Ravel. Bonne chance au 02 54 27 36 36. En attendant, voici Pierre Demer avec Enfant 2. Mon père adore le foot, crie allez les rouges dans sa tête. Il tornule, réveillons pas ma mère sans aucun doute. Rêve d'un boy scout, capitaine à bord de scène, ta Maria. Découverte France Bleu, il cherche une fille, Pierre Demer, avec Enfant 2. Et on vous offre pour vous et la personne de votre choix des invitations pour le match de basket au Prado ce dimanche 22 octobre à 16h, les Tangos de Bourges face à Saint-Amand-les-Eaux. Il y aura également des invitations pour le concert d'Anne Kefelec au piano dans le cadre des 22e Listomania. C'est vendredi 20, donc à partir de 20h30 sur la scène Equinox, scène nationale, avec au programme du Liszt, justement, du Bach, du Beethoven, du Debussy ou encore du Ravel. Bonjour Jean-Pierre. Oh. Ah oui, bonjour. Il a été surpris. Jean-Pierre de Grasse. J'écoutais votre annonce et finalement, je pensais pas que j'allais passer à l'antenne. Mais oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre de Grasse, vous êtes retraité. Vous aimez restaurer les objets anciens. Comme quoi? Oh, bah, des vieux cadres. Là, je suis en train de restaurer une malle qui tenait plus, enfin, qui était sous le disloc, qui n'avait plus d'allure. Ouais. Et puis, j'ai aussi des choses qui font partie du patrimoine de Grasse. Voilà, très bien. Bah, écoutez. Voilà. Voilà, c'est des choses qu'il faut garder, hein, dans nos mémoires, c'est vrai. Et ben oui. C'est important. Jean-Pierre, sinon, à part ça, tout va bien, la vie est belle pour vous. Bon, oui, bien sûr. Tout va bien. Et en plus, Jean-Pierre qui joue avec nous, qui se dit finalement, si je pouvais gagner en plus des invitations. Vous aimez la musique, la grande musique, comme justement ce qu'on va retrouver, hein, pendant ces Listomania? Pas tout, je peux pas aimer toute la grande musique, mais oui, effectivement, j'aime bien, c'est reposant, c'est quelque chose d'apaisant. Et bien voilà. Donc, voilà. Quel serait éventuellement le groupe, quel serait le titre de l'extrait qu'on vous a passé? Alors, il me semble que c'est le groupe, c'était Raft, qui chantait Y'a qu'à danser. Ouais, c'était un groupe de... Non, c'est pour plaisanter, hein. Mais non, c'est un groupe de Strasbourg, oui, c'est un groupe de Strasbourg des années 80. Il n'y a qu'à danser, c'est tout. C'est tout. Ben voilà. Voilà. On s'en souvient, hein. Et ben oui. Ça donne envie de danser, ça donne envie d'être en vacances, d'être dans les îles. Voilà. Ben en tout cas, bravo Jean-Pierre. Vous repartez avec justement les invitations pour le match de basket entre le Tango de Bourges, les Tangos de Bourges face à Saint-Amand-les-Eaux. Ça se passera au Prado dimanche 22. Et puis juste avant, vendredi soir à 20h10, on vous invite sur la scène nationale Equinox pour voir le concert d'Anne Kefelec au piano. Eh bien, écoutez, c'est très gentil, je suis très content. Eh bien, nous aussi. Je vous remercie beaucoup. On vous souhaite une belle soirée et continuez à faire restaurer vos beaux objets anciens du côté de Grasset. Voilà, je vais essayer. À très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci, au revoir. Voici Katy Perry avec justement Firework sur France Bleu Berry. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Just on the night, like the fire. Katy Perry avec Firework sur France Bleu Berry. Et avec Stéphane Gendron, notre historien des noms, nous revisitons l'histoire de l'Indre et du Cher par l'intermédiaire des noms de communes. Aujourd'hui, Stéphane, on parle justement du département de l'Indre. Oui, en effet, et de tous les noms que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans ces chroniques, il en est un qu'il serait difficile d'oublier, c'est tout simplement l'Indre. La rivière qui a donné son nom au département prend sa source au sud de Saint-Priest, dans le Cher. Mais il est difficile de dire où exactement, puisque plusieurs sources sont au départ de ruisseaux qui se rassemblent près du village de la Ville-aux-Moines, de Beaufoin, Bède, la Villardière. D'ailleurs, toute la commune de Saint-Priest est arrosée par quantité de petits ruisseaux qui convergent pour former l'Indre au niveau du bourg. Tout le monde n'est pas d'accord, d'ailleurs, sur sa longueur. Certains disent qu'elle fait 250 km, d'autres 279, peu importe. Concernant l'origine du nom de l'Indre, nous ne sommes pas très renseignés. Le nom de l'Indre apparaît pour la première fois chez Grégoire de Tours au VIe siècle, sous la forme Angerem. Les chercheurs ont depuis longtemps proposé un mot d'origine germanique, Anger, qui a le sens de prairie, ce qui sous-entend que l'Indre aurait été une rivière aux crues assez fréquentes venant inonder les prairies. Ce n'est pas impossible, mais il faut préciser que la racine de ce mot, Anger, désigne plutôt une rivière qui fait de nombreuses courbes et méandres en réalité. Dans tous les cas, on a l'image de la rivière qui serpente et qui peut sortir facilement de son lit. Récemment, c'est le nom de l'Indre qui a été choisi pour désigner les habitants, les Indriens, qu'on ne confondra pas avec les Indiens. Cela n'empêchera pas de jouer sur les mots et de parler assez souvent dans la presse de l'été indien en pays indrien ou de l'été indien pour les cow-boys indriens. Voilà, voilà aussi. Merci Stéphane et à demain avec la découverte encore de la commune de Reuilly. On restera toujours dans l'Indre. Dingue de Berry à réécouter si vous le souhaitez sur francebleu.fr. France Bleu Berry, on en parle. Exprimez-vous demain à 7h50. Eh bien justement, demain à 7h50, France Bleu Berry va recevoir Maurice Barat, le préfet du Cher. Il viendra nous parler des mesures de sécurité renforcées en cette période troublée et de résilience. L'actualité lourde de ces derniers jours, le conflit au Proche-Orient, l'assassinat d'un professeur à Arras, ainsi que les menaces d'attentats dans tous ces événements peuvent peut-être créer un climat d'anxiété au sein de la population. Le préfet viendra aussi nous parler de la sécurité routière. Et tous vos conseils et tous vos renseignements, et si vous voulez discuter justement avec le préfet, 02 54 27 36 36. France Bleu Berry, on en parle. 02 54 27 36 36. France Bleu Berry, partenaire de... France Bleu Berry est partenaire de la 27e fête de la sorcellerie du côté de Bonus. C'est ce dimanche dans l'Indre, au programme à partir de 10h, marché aux produits régionaux et artisanaux. Visite des sous-bois du parc du château de Bonus, animé par Tonio Jardinier de France Bleu Berry. De 12h à 14h, au bad musical et repas des sorcières. À 15h, 16h et 17h, le spectacle théâtral La sorcière du placard à balai. De 15h à 19h, déambulation des châssiers. Spectacle de rue, animation variée, déambulation également des sorcières et sorciers avec la compagnie Okazu. Vers 19h, vous aurez le concert, cortège de la sorcière au bûcher, accompagné de musiciens et des châssiers. Et dès 20h, on vous propose le repas des sorcières dans l'antre du sorcier. À partir de 21h, c'est animation musicale et dansante. Et tout au long de la journée, manège pour les enfants et vente de boudins pour cette 27e fête de la sorcellerie de Bonus. Ce dimanche 27 octobre, un événement à vivre avec France Bleu Berry. France Bleu Berry. Info, trafic et mobilité en temps réel. Tous les jours, à tout moment, vous êtes nos yeux sur les routes de l'Indre et du Cher. L'infotrafic 100% local avec les meubles d'Aurore, votre magasin de salon, séjour et déco, zone artisanale des agents à La Châtre. La route reste notre souci commun. Restons solidaires sur les routes du Berry. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie. À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien, un récit à savourer, un livre XO. France Bleu, 100% Berry, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. On va sortir les oreilles, 18h01. C'est Féline Leloir du Haut qui nous présente l'info ce soir. Et oui Luc, et d'abord on va faire un petit point très rapide du coup sur la météo. Oui, une météo qui va être encore agitée ce soir et des températures de l'ordre de 13 à 15 degrés, un vent de sud-sud-ouest assez fort, notamment sur le bois sud, on voit ça à la fin du journal. Le patapin de Cap-Nord à Bourges a rouvert ses portes ce matin. Ce commerce de restauration rapide avait été saccagé et pillé lors des émeutes fin juin. 3 mois de travaux ont été nécessaires pour permettre à l'équipe de réintégrer les locaux. Et ils avaient hâte de rouvrir, affirme Justine Aufauvre, la directrice. C'est une sacrée épreuve, mais on est super content de retrouver notre patapin, le quartier, notre clientèle. Et l'équipe avait vraiment hâte de revenir sur le site. Partez de loin, il y avait, je dirais, plus de façade, il y a eu du vol, il y a eu de la casse. Ça fait du bien cette rénovation au final. Le comptoir de vente a changé, les peintures ont été refaites, le carrelage a été refait. Après, ça touche au matériel professionnel, mais des sas ont été refaits également. On a revu l'agencement du restaurant pour que l'équipe soit mieux pour travailler, de l'aisance au niveau de l'espace. Que ce soit l'équipe ou moi, ça a été beaucoup de solidarité. On s'est retrouvés pas mal de fois pendant l'été parce qu'on a quand même été dispersés sur plusieurs patapins, donc les premiers jours ont été difficiles pour l'équipe parce que du coup ils prenaient ça un peu comme une punition, puis au final on a retrouvé nos moments où on se retrouvait en équipe pour trouver ces moments conviviaux et garder cet esprit d'équipe justement. Je suis super contente. Plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux ont été nécessaires pour cette remise en état. Au tribunal de Châteauroux, une entreprise spécialisée dans la chimie est poursuivie pour un accident du travail. Un salarié de la stéarinerie a été brûlé en 2020 lors d'une explosion pour l'instant inexpliquée. Il a subi 40 jours d'ITT, heureusement sans séquelles prolongées. La procureure a requis 4000 euros d'amende, mais aussi une requalification des faits. Selon elle, l'entreprise n'a pas voulu nuire à la sécurité de ses employés. Le délibéré sera rendu le 22 novembre. Les élus locaux veulent renforcer la sécurité des établissements scolaires. Après l'attentat d'Arras qui a coûté la vie à un professeur de français, Dominique Bernard, les élus locaux demandent des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des élèves et professeurs. C'est en tout cas ce qu'a demandé André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France à Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation qui a pointé les perturbations et contestations lors des temps d'hommage lundi en mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty. 357 incidents ont été recensés en France, dont 7 dans le Berry. Tous ces signalements feront l'objet d'une saisine au procureur de la République et d'une procédure disciplinaire, annonce le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est dans ce contexte troublé que le château de Versailles et une dizaine d'aéroports ont été évacués aujourd'hui. Des évacuations liées à plusieurs fausses alertes à la bombe et fausses menaces d'attentats qui mobilisent les équipes d'intervention à chaque fois. Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui se multiplie depuis l'attentat d'Arras, notamment dans les lycées. Aurélien Tirard. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplacent immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Ces petits plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis. C'est la déclaration du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Le trafic aérien reste très perturbé à cause de ces fausses alertes aujourd'hui, notamment dans les aéroports de Toulouse et Bordeaux encore fermés. Le château de Versailles a lui pu rouvrir ses portes dans l'après-midi. Et dans une demi-heure, on saura enfin qui seront les adversaires de nos clubs berrichons. Qui fera face à la Berry, à Vierzon et à Châteauneuf-sur-Cher pour la suite de la Coupe de France de football. Le tirage au sort du 6e tour de la compétition aura aura lieu en direct sur la page Facebook dans une demi-heure. Les matchs du 6e tour se dérouleront le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre. Le cycliste berrichon Marc Sarraud va lui retrouver l'équipe de ses débuts. Il portera les couleurs de l'équipe Groupama FDJ en 2024. Un dénouement positif après une longue attente pour le coureur pro licencié au CC Vierzon. Quant aux basketteuses des Tangos, elles se déplacent demain en République tchèque pour l'Eurocup. Les basketteuses berruyères affronteront le club Valoussen KP de Brno. Coup d'envoi du match à 19h30. Et donc Luc, un petit point sur la météo pour demain dans le Berry. Alors déjà pour cette nuit, on aura de belles éclaircies. Hein. On peut vous dire que ça devrait être un peu plus changeant par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire moins de nuages, moins de pluie, des températures tout de même entre 13 et 15 degrés, des températures qui sont bien au-dessus des valeurs normalement observées. Pour demain jeudi, eh bien le ciel sera nuageux dès le petit matin avec encore quelques averses. Il devrait laisser place normalement à quelques éclaircies, mais très timide l'après-midi parce qu'on doit retrouver la pluie en fin de journée avec des températures tout de même qui restent relativement correctes entre 21 et 22 degrés pour la journée de demain. La météo 100% locale avec les meubles Galerie Berrichonne. Un choix considérable de mobilier, literie, canapé, dressing. Meublesgalerieberrichonne.fr à Saint-Sever. France Bleu Berry, soyez les bienvenus au jardin. Trucs, astuces, bonnes pratiques, découvertes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Thierry et Tonio arrivent comme une fleur. Messieurs, bonjour. Bonjour. Sans même se prendre le chou. Bon, ben c'est bien. Et vous attendent en randonnion sans vous raconter de salade. Il faudrait qu'elle nous donne un petit peu plus d'éléments et là on pourrait identifier un peu plus les problématiques. France Bleu Berry, le jardinage est une affaire de pro. Faites-nous confiance dès demain 6h20 à la rosée du matin. Tu seras là Thierry? Oui. Eh bien, dans cette dernière heure, on parlera de coulisses TV, tiens, avec Patrice Gascoigne qui est toujours au rendez-vous, sans oublier bien sûr la musique de la nouvelle scène qui nous fait découvrir avec Manu Bonnefond un nouveau groupe qui s'appelle The Brinks cette semaine. Mais avant de les retrouver, ils ont tous joué sur le piano de France Gall et de Michel Berger. Ils jouaient du piano debout, c'est sur France Bleu Berry. Luc Carrascosa, le 16-19 sur France Bleu Berry. Quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano de étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous. D'être heureux, ça vaut le coup. les brouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Michel Berger avec qui il jouait du piano debout sur l'album France sur France Bleu Berry. Et cette semaine, dans la nouvelle scène, on s'intéresse au dernier album en date, Rock'n'Roll Tribute du groupe de Bourges, The Brinks. Le groupe pratiquement au grand complet a répondu à l'invitation, et c'est normal, de Manuel Bonnefond dans la nouvelle scène. Le nouvel album est sorti il y a quelques mois, un rock'n'roll tribute signé The Brinks. Ils sont tous les quatre en studio pour nous parler de cet album, de ce CD, de ce vinyle, parce qu'on soigne chez The Brinks à chaque fois le package. Ronan, Jérôme, Bruno et Dim, avant que j'oublie, vous nous avez ramené l'album. J'adore la pochette, elle est incroyable. Nous aussi. Qui a réalisé la pochette là? Les studios. Alors c'est Romain et Magali des ateliers Fuels. Ouais. À Paris. Ouais, d'accord. Donc c'est des petits jeunes en fait qui habitent à 50 km de chez nous et puis en fait qui travaillent à Paris. Et donc on s'est rencontrés tout bêtement par internet et puis on a été voir leur univers et après on lui a donné la trame de ce qu'on voulait, on lui a laissé carte blanche quoi. Puis ils sont venus nous voir aussi à la maison, on va dire, on a répété, on a bu un petit coup, on a discuté avec aussi, ils ont écouté les morceaux, c'était super sympa de les rencontrer. Ça me rappelle le trait de Clyde Boris de l'affaire Louis Trio dans les années 80, c'est vraiment très très classe. Et ce qu'il y a à l'intérieur, était classe aussi musicalement, on est garage avec des morceaux, ça part dans tous les sens. Vous vous êtes fait plaisir, on peut dire ça, sur cet album, ouais, réellement. C'est ça, ouais. On s'est fait plaisir. Ouais. Est-ce que vous avez le même plaisir que lorsque vous jouez vos propres compositions? Sans problème. Indéniablement. Dès l'instant où on s'est, comme on disait tout à l'heure, on s'était approprié ces morceaux-là aussi, on les a choisis parce qu'ils nous correspondent et que l'énergie du groupe... Elle transpire à travers ces morceaux-là aussi. Donc les intégrer avec dans les répertoires de compos ou de reprises, au final, ça constitue le set. Et à chaque fois, on est très content de le présenter, ce set. Et ce qui est hyper intéressant aussi pour nous, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que les gens sont au rendez-vous, on les voit s'amuser, ouais. On voit les pieds qui tapent au sol, on voit les gens sourire. Enfin, voilà, c'est aussi un partage et jouer devant les gens, de pouvoir justement présenter ce nouvel album, ça fait partie du jeu. Et c'est un grand moment de plaisir. Extrait de cet album. Nightmare, juste un tout petit mot concernant ce cauchemar, ces cauchemars. Non, elle est plus TP60 celle-là, ouais. Même, je trouve, que ce soit au niveau de la rythmique, au niveau du chant. L'original. Moins garage ouais. que les autres, mais elle est super fraîche. Mais l'original, ouais, est très pop, psyché. Et c'est assez marrant, justement, de la brinksiser. Voilà.